Irlande et puis la Suède. Voilà pour nos deux heures de dialogue. Foot, à demain tout le monde et bonne journée. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos présentées par Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. Incontestablement un acte terroriste, François Hollande réagit à la mort d'un policier et de sa compagne près de Paris. Le meurtrier, après avoir poignardé le policier, s'est retranché dans l'habitation de sa victime et il y a tué sa femme. Dans la maison se trouvait aussi leur enfant de 3 ans, il est indemne. L'agresseur, abattu par les policiers d'élite, est un homme de 25 ans. Il a passé 3 ans en prison pour participation à une filière djihadiste. Il était fiché pour radicalisation et son nom avait ressurgi récemment à nouveau dans une enquête sur une filière de combattants terroristes. Le groupe État islamique a revendiqué ce double meurtre. Réunion d'urgence aussi tôt ce matin à l'Élysée. Le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve promet de mettre hors d'état de nuire d'éventuels complices. La France prête à expulser des supporters russes après les incidents graves à Marseille samedi. Ce matin, les policiers, ils sont très nombreux, sont descendus dans leur hôtel, près de Marseille d'ailleurs. Ils s'apprêtaient à partir pour Lille où leur équipe doit affronter la Slovaquie demain. Opération qui n'est pas terminée, les identités sont contrôlées. Ces Russes figureraient sur une liste noire. Certains, semble-t-il, sont emmenés dans un centre de rétention pour être expulsés. L'organisateur de l'Euro, l'UEFA, doit décider si elle sanctionne la Russie pour la prise en charge de ces hooligans. La malnutrition devient la nouvelle norme dans le monde, selon un nouveau rapport d'experts internationaux. L'obésité progresse partout, mais la sous-nutrition inquiète toujours autant. Nous sommes mal partis pour atteindre les objectifs en matière de nutrition, estime ce rapport. Et l'objectif de l'ONU, c'était d'effacer toute forme de malnutrition d'ici 2030, dans moins de 15 ans. Vous avez suivi le match des Diables Rouges hier à la radio ou à la télé, mais nos voisins des Pays-Bas étaient aussi très très nombreux, plus de 3 millions de téléspectateurs, soit 1 million de plus par rapport aux autres rencontres de l'Euro. Meilleure audience dans le pays, les Néerlandais qui se consolent sans doute puisque leur équipe ne s'est pas qualifiée pour cet Euro. La météo, comme tous les supporters belges, elle est triste ou nette, nuages et averses au programme aujourd'hui, pas plus de 19 degrés, ce sera la même chose demain. Le point RTBF Mobile Info avec Caroline Gillet. Toujours cet accident sur l'autoroute 42. Et oui, il s'est produit hier soir assez tard. C'est à hauteur de Gosselies. La voie centrale et la voie de droite sont toujours neutralisées. Il faut le temps de décharger les remorques pour pouvoir les évacuer. Conséquence, des files depuis Sambreville sur 9 km et vous perdez près d'une heure encore en direction de Mons avec des embarras de circulation aussi sur la Nationale 29 entre Fleurus et Lambussard. C'est vraiment le secteur à éviter, d'autant plus qu'un peu plus loin, entre Timéon et Manage, on a un chantier qui durera la journée jusqu'à 15h. La voie de gauche est fermée en direction de Mons. Des déchets de pneus à signaler sur le 40 Aix-la-Chapelle et Liège à hauteur de Herve, kilomètre 112. Chaussée partiellement entravée en direction de Liège. Et puis les derniers ralentissements sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure à cause du chantier d'Anderlecht. Entre Hautitre et Grand Bigdard, on comptait encore un quart d'heure supplémentaire. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bonne journée, je vous laisse avec l'équipe d'En EHPAD des Pigeons. Merci Delphine, retour de l'info à midi. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas les pigeons. Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ah oui. Ça ira mieux samedi. Hein. Pourquoi? Bah, le match d'hier. T'as pas vu? Ils ont joué hier. T'as dit que samedi, il y aura un match là. Il faut être. T'es sûr que les Diables Rouges ont joué hier? Ils ont essayé. Pareil. Je ne les ai pas vus. En tout cas, on ira en direct à Lyon, où Frédéric était dans l'arène, dans le stade, pour voir les Diables. Comment ça, il était dans l'arène? Alors, Majesté, si je nous écoute. Non. Excusez-nous, l'expression n'était pas appropriée. Donc Frédéric était dans le stade. T'es bête toi. Il nous donnera des conseils comme hier, les bons plans pour les supporters qui iront voir les matchs à venir. si les Diables Rouges se décident à jouer. Dans le journal de la conso aujourd'hui, il y aura quoi, Aurore ? Oh ben on va parler de plein de choses, mais je vais notamment revenir sur l'histoire des fameux sacs plastiques qui vont disparaître en Wallonie. Ah ouais, zut, c'est vrai. Ouais, on va faire le point sur ça. Ce sera question de moustiques aussi, Jean-Christophe. Oui, avec l'humidité qu'il y a ces temps-ci, ben les moustiques prolifèrent, mais surtout, les gens vont partir en vacances et peut-être qu'ils vont ramener un petit virus Zika avec eux. Ouais. Ah merde ! Et est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui sont en attrape moustiques ? Comme moi, je vais n'importe où, les moustiques, c'est moi qui viennent manger. Ouais, un peu. Hein, mais bon, bah, si vous avez trop d'alcool dans le sang. c'est ça. Et puis la séquence best-of du jour, bon, on vous redonnera quelques bons plans pour faire manger des légumes aux enfants. Si vous avez des choses à nous dire, Facebook est là. Oui, notre page On n'est pas des pigeons vous attend impatiemment. Vous pouvez aussi laisser un message sur le mail. L'adresse pigeon pluriel à tfmf.be. Le répondeur 070 222 660. Et il y a de la musique aussi. Avec Colby Kayat et Kid Noise. Vous écoutez Vivacité, si on n'est pas des pigeons, on est ensemble jusque 13h. Bienvenue tout le monde. Et Bruno Mars et ce titre Uptown Funk. Un un mot, un geste, on n'est pas des pigeons, fait le reste. Votre courrier est arrivé. Vous avez réagi sur la page Facebook, vous avez réagi au propos de Robert Rémy qui nous parlait de soupe hier dans cette émission. Oui, avec Josette qui nous dit qu'elle mange du potage maison toutes les semaines. À deux, on en consomme 8 litres. C'est quand même pas mal. Hein. Par semaine ? Bah apparemment. Dites toujours donc. Des légumes de base au congélo, jamais de soucis pour varier les plaisirs. Cette semaine, tomates rôties au four avec ajout de bouillon de volaille, oignons, ail, roquettes et basilic, une tuerie. Même lorsque je travaillais, il y avait tous les jours de la soupe au menu. Il faut à peine 20 minutes en autocuiseur. Josette, on arrive. Oui, ça a l'air bon, ça a l'air soupe, bon, hein, sa soupe, avec des tomates oui, rôties. Et puis le message de Mitra, j'ai un vieil ami qui adore la soupe, c'est mon potager. Voilà. Comme ça, c'est fait. C'est nouveau, c'est bien. Cathy, elle nous donne aussi son truc pour nettoyer les couverts en argent. C'est un sujet dont on vous parlait hier dans le best-of à la télé. Oui, son truc, elle, c'est de remplir une casserole d'eau, mettre une feuille de papier alu dans le fond de la casserole, quelques gouttes de liquide vaisselle, faire chauffer, mettre les couverts quelques minutes, les enlever, je les rince et ils sont impeccables. Pas mal. Mais c'est vrai que ça marche, je l'ai déjà fait, ça marche très très bien. Il faut avoir des couverts en argent. Non, je l'avais fait pour des bijoux. Ah, c'est bien. Mais alors là, on se rend compte si le bijou est en argent ou pas, parce qu'il y en avait un dans la bande des bijoux qui n'était pas en vrai argent. Et là, il est ressorti tout rouge. Qui c'est qui me l'a offert? Espèce de radin. Non, je l'avais acheté moi-même. Ah, voilà. Ouais. Et puis sur notre page Facebook, on vous postait également une jolie photo de l'équipe aux couleurs de la Belgique et des Diables Rouges. Oui, c'était un et peu ça, le... C'était avant, on ne savait pas. Oui, vous étiez encore tout sourire. Ouais. C'était un petit peu notre cadeau d'au revoir à nous, hein, en télé, puisque nous vous proposons depuis hier donc des best-of. Du coup, on a reçu plein de messages encourageants, comme celui de Marie-Jo. Merci pour tout ce que vous nous apportez pour nous ouvrir les yeux sur plein de produits d'aliments sains ou malsains. Mais l'essentiel, c'est votre bonne humeur. Profitez tous de vos vacances bien méritées. Et puis, Bulle nous écrit, on va essayer de ne pas se faire pigeonner pendant tout ce temps. Hubert et son bicarbonate vont nous manquer. Bonnes vacances à toute l'équipe. Et les gars, on n'est pas morts. On est encore au boulot jusqu'au 1er juillet, et à la radio en tout encore, cas. Mais oui, on est très clair là-dessus. Delta arrive et va viser la Lune. Et puis nous prendrons la direction de Lyon comme hier, où Fred de Borsu est sur place, nous parlera du match et verra si on peut se faire rembourser. Ah non Peut-être. Et Marc, ouais. T'as vu chez Deleuze, ils offrent un ballon gratuit. Oui, et même pas besoin de s'appeler Kevin pour le recevoir ce ballon. Ni Thibaut. Ni Axel. Ni Driss. Ni Romelu. Ni Marc. Bah, je plaisante. Mercredi 15 juin, dans votre Deleuze, un ballon de foot gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et c'est pour tout le monde. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Avec Audi, pendant les Audi Days, on ne parle pas d'incroyables promotions, mais d'incroyables sensations. Les Audi Days, ce sont des conditions exceptionnelles pour des voitures d'exception. Exemple, l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros. Audi Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur audi.be. Du 4 au 25 juin, les magasins Schmitt proposent les offres sur mesure. Une cuisine au millimètre près, avec une offre à 6400 euros, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt. Route du Condroit à Boncel, à NECFM, sur la route de 8 Warem ou JC, chaussée de temps gras au cours. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Tu sais, toi, comment on appelle les habitants de Blény? Les Blényens, les Blényésiens. Bienvenue à Blény. Journée d'information ce dimanche 19 juin. Venez découvrir notre nouveau projet d'habitation situé en plein cœur de Blény. Chez Matexi, la qualité de chaque habitation se retrouve aussi dans la convivialité de son quartier. Vous recevez tellement plus pour votre budget. Plus d'infos au 04 361 1804 ou sur matexi.be. Rendez-vous ce dimanche 19 juin de 14h à 18h, rue de l'Égalité à Blény. Les Blény, toi. Matexi, bienvenue chez vous. On atterrira dans les étoiles. On aura plein de belles histoires à raconter. Pas d'arrivée sans long voyage, sinon bien d'autres avant nous l'auraient tenté. On caressera. les nuages, comme la pluie les deltas planent. Nous ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Tu sauras étonné de voir jusqu'où peut nous mener. Le goût de l'aventure, parfois quelques frissons, 20 000 blessures. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. On atterrira dans les étoiles. Un jour on posera nos bagages et on rira ensemble des galères du passé. On ira aussi haut que nos bras pourront nous porter, même au-delà. Nous ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Tu sauras étonné de voir jusqu'où peut nous mener. Sur Vivacité, en visant la lune. Non, parce que ce qui est important, c'est pas le résultat. Le résultat, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le raisonnement qui amène à ce résultat. Le résultat, il vaut mieux s'en foutre aujourd'hui. Bonjour Frédéric de Borsu. Salut les amis. Vous étiez à Lyon hier dans le stade des Lumières pour applaudir les Diables Rouges face à l'Italie. Vous avez applaudi au début. Est-ce que vous avez applaudi à la fin? Supporter un jour, supporter toujours. Hein. Bah évidemment, il faut jouer le jeu à fond. Moi, ce qui était génial, c'est que c'était vraiment une fête juste incroyable. On était au Brésil également. Je peux vous dire qu'on n'a jamais vu un match de phase finale de grande compétition avec autant de supporters belges dans les rues. Et je peux vous dire aussi que les cafés à Lyon, ils se frottent les mains. Les Belges ont sauvé leur saison, des petits bouchons lyonnais tellement ils ont consommé. On ne voyait pas du tout les Italiens dans la rue. Donc là, le match commercialement était largement gagné par les Belges qui ont dépensé beaucoup, beaucoup plus d'argent. C'est clair, la bière à 4 euros le demi-litre. Dans la fan zone à 7 euros le demi-litre de bière non alcoolisée. Non alcoolisé, en plus 0,5, c'est une Carlsberg faite sur mesure pour l'événement. Ah bon ? Et dans un verre en plastique, évidemment, on jette toutes les bouteilles pour ne pas que ça serve d'arme. Donc effectivement, ça rapporte pas mal, surtout l'UEFA qui s'en met plein les poches. Les cafés autour sont assez corrects, les restaurants n'ont pas augmenté leur prix. C'est vraiment l'UEFA dans sa fan zone et dans le stade qui a bétonné les prix vers le haut et qui profite vraiment, vraiment de l'événement. Alors, vous dire aussi qu'on n'a pas beaucoup vu les forces de l'ordre, c'est plutôt sympathique. Il y avait juste des tireurs au-dessus du toit du stade. Ça, c'est quand même assez particulier de voir une série de tireurs qui sont sur le toit. Ça fait un peu peur, mais sinon, dans les rues, très, très, très peu de flics, très peu de policiers. Et c'est plutôt sympathique, sauf qu'évidemment, ça peut engendrer quelques petits débordements. Les Belges et les Italiens ont plutôt fraternisé, donc ça, c'était sympa. Mais le danger, c'est qu'à l'entrée du stade, on rentrait comme on voulait, avec des tickets qui n'étaient pas du tout à votre nom. Tout le monde rentrait. Parce que c'était ça la crainte pour tous les gens qui achetaient des tickets en seconde main. C'était qu'ils étaient nominatifs. Il y a un tige, Sébastien. Oui, effectivement, la semaine dernière. Qui avait peur de ne pas rentrer, qui avait acheté des tickets italiens sur un site qui s'appelle Viagogo. Alors, on rentrait vraiment, mais comme on voulait. On a vu des Italiens qui rentraient dans le camp belge avec des tickets belges qu'ils avaient rachetés juste avant le match. 4 justement, marché noir. Omniprésent, le marché noir hier. très peu présent parce que gens ont peur de le faire, mais pourtant, quand ça se fait, ça marche bien, ça va vite et c'est environ 400 euros le billet pour les gens qui sont motivés et qui veulent absolument aller au stade. Ce sera sans doute encore un petit peu plus cher à Bordeaux, c'est samedi, parce qu'il y a encore des matchs. Hein. La Belgique n'est pas encore tout à fait éliminée, il y a encore des chances, puisqu'il y a que 8 éliminés sur 24 au premier tour. Il faut vraiment être très mauvais en fait pour être éliminé au premier tour de l'Euro, mais pour l'instant, les Belges sont très mauvais, mais bon, bref. Et donc à Bordeaux, on sait que comme il y a moins de places disponibles, le stade étant plus petit, les billets vaudront plus cher. Il y a des tas de Belges qui ont pris un Ryanair vers La Rochelle, par exemple, pour payer moins cher, qui vont aller à Bordeaux sans ticket et qui seront prêts à acheter des billets 300, 400 euros certainement. Et il y aura sans doute un peu plus de revente. En plus, là, ça a lieu à 15h le match, donc c'est plus facile de vendre dès le matin. Maintenant, grosso modo, le match étant fini, les Belges sont de retour. Si on s'y prend à l'avance, si on achète un billet à des prix raisonnables, ça coûte combien en déplacement moyen sur Lyon, là, en gros, le supporter, il a dépensé combien en moyenne? Alors, vous dire, s'il a acheté un billet normal, ça fait une moyenne de 100 euros. S'il a acheté au marché noir, 200 euros. Alors, c'est un peu plus cher qu'un concert, mais je peux vous dire que l'ambiance dans les rues, avec du foot de rue, la fraternité, c'est juste des ambiances comme on n'en voit nulle part ailleurs. Ça vaut vraiment le coup pour ceux qui aiment ça. C'est vraiment exceptionnel. Et après, les restos à Lyon étaient au prix normal. La bière, si on va au café et pas à l'UEFA, c'est le prix normal. Mais les parkings, par exemple, il y a beaucoup de... Les parkings sont chers. Le parking 8 euros hier à 5 km du stade avec une navette gratuite, vraiment très bien organisée par les Français. Alors là, 62 000 personnes dans le stade, aucune file pour arriver, aucune file pour sortir. Quand on compare avec le stade Roi-Baudouin, il faut 3 heures pour ressortir. Oui. Je peux vous dire que les Français, ils ont bien fait les choses. Il y a juste une fouille à l'entrée, mais même à la fouille, on ne fait pas de file. C'est vraiment super bien organisé avec le sourire et les shuttles, ils défilent pour vous ramener au parking. Et franchement, c'est pas si cher qu'on pouvait le penser. Mais c'est pas plus cher qu'un City Trip, quoi. Finalement. Le prix des hôtels, attention, le prix des hôtels, lui, est scandaleusement cher. Le prix des avions est scandaleusement cher. Les avions ont fait x7, le prix des hôtels a fait x4 ou x3. Donc il faut évidemment des solutions alternatives pour les logements. Loger un petit peu en dehors des villes, clairement. On en a parlé pour Belgique, Irlande, à Bordeaux, il faut loger au Futuroscope, c'est clairement la solution. Et aller au match le matin, le match étant à 15h, on part à 9h du Futuroscope, on arrive à 11h, on fait la fête avant et après, et puis on repart le soir au Futuroscope, on arrive à 22h, et puis on rentre en Belgique, c'est sur le chemin. Donc il y a moyen de faire un trip vraiment pas très cher et de venir communier parce que finalement c'est encore plus gai, hein. Vous savez quoi, c'est encore plus gai avant le match que pendant le match, tellement dans la ville il se passe quelque chose, les Belges mettent vraiment une ambiance comme nulle part, comme aucun supporter le fait. À Lyon, ils savent aussi que c'était vraiment l'occasion unique pour eux parce qu'après ils ont Roumanie, Albanie et Ukraine, Irlande du Nord comme match, ça va être un peu moins festif. Sympathique. Irlande du Nord, on va boire un peu de whisky ceux-là. Les Ukrainiens, je ne suis pas sûr qu'ils amèneront 20 000 personnes. C'est le bon et plan donc, pour les prochains matchs, hein, loger un petit peu plus loin, certainement pas dans la ville. Choper l'ambiance. Vous reposez votre voix. Jouer le jeu. Et ce qui est bien aussi dans le stade, qui était vraiment bien, et c'est, on voit aussi que l'UEFA a fait un effort pour les supporters. Et par exemple, les hymnes nationaux, il y a les paroles qui défilent en grand dans les trois langues nationales belges, en français, en allemand. Ce qui va déjà ne fût-ce qu'aider les joueurs. Effectivement. Rien que ça. Raison. Et on pouvait se maquiller gratuitement. L'UEFA quand même fait des petits efforts. Et il y a du maquillage gratuit. On peut faire des photos avec des cadres. Ben, 7 euros la bière, ils peuvent bien filer un truc ou l'autre. Merci Frédéric pour ce compte rendu en direct de Lyon. Il y a côté musique Colby Kayat qui arrive et puis le journal de la conso dans lequel il sera question des sacs plastiques qui vont disparaître en Wallonie. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. Votre centre commercial Médiacité Liège, faites la musique. Des concerts gratuits avec le vendredi 17 juin, Two Kids on Holiday, Roscoe, John Abbey et Kid Noise. Samedi 18 juin, retrouvez d'autres concerts et vivez le match des diables sur écran géant. Info, mediacité.be. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Chez Decathlon et sur decathlon.be, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport en vacances. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Allez, prends ton nouveau masque, on va voir les poissons. Mais aussi pour tous les... Et les gars, il y a des belles vagues. Sors la planche. Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant, le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Viva, viva, viva, viva, viva. got me feeling like a child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Colby Kayat avec Bubbly. 11h27, on part sur les routes. Caroline Gillet, comment ça se passe? Eh bien, encore pas mal de problèmes sur le 42 Namur-Mons, puisqu'un accident avec plusieurs camions s'est produit hier soir à hauteur de Gosselies, mais toujours des conséquences ce matin avec les voies centrales et de droite neutralisées. Défile depuis Fleurus, ça diminue tout de même, 6,5 km de ralentissement, 35 minutes perdues en direction de Mons, et des ralentissements également sur la Nationale 29 entre Fleurus et l'Embussard. Ça reste un secteur à éviter autant que possible, d'autant plus qu'un peu plus loin, entre Timéon et Manage, on a un chantier qui durera toute la journée jusqu'à 15h. Il neutralise la voie de gauche, toujours en direction de Mons. Des déchets de pneus sur le 40 Aix-la-Chapelle et Liège à hauteur de Herve. Chaussée partiellement entravée en direction de Liège. Et puis toujours 17 minutes perdues sur le ring intérieur de Bruxelles à cause d'un chantier à Anderlecht entre Autitre et Grand-Billard. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Direction la presse du jour et la DH qui revient sur la suppression des sacs plastiques en Wallonie, mais aussi de la vaisselle jetable. Oui, vous allez comprendre. Dès le 1er décembre 2016, les sacs plastiques seront interdits dans les commerces wallons. Le texte est discuté en ce moment, mais c'est quasiment fait. Alors, il prévoit malgré tout des exceptions pour la viande, le poisson ou le fromage, les denrées préparées vendues en vrac, les fruits et les légumes et tout ce qui peut couler. Donc ça fait quand même déjà beaucoup de choses, d'exceptions. Oui. Mais attention, pour ces exceptions, il pourrait y avoir des sacs plastiques, mais biodégradables. Donc des sacs, par exemple, en maïs ou des choses comme ça. Autre mesure qui pourrait aussi être appliquée en Wallonie, c'est la suppression de la vaisselle plastique. En France, ce sera le cas dès 2020. Ils ont vraiment pris la décision. Chez nous, c'est en réflexion, mais selon les autorités wallonnes, il y a peu d'alternatives efficaces. On cite notamment la vaisselle en plastique dur, en bambou, bref, tout ce qui est réutilisable. Oui. Mais du coup, on passe à côté du but premier de la vaisselle en plastique qui était censée être jetable. Oui. Alors on n'a qu'à prendre de la baie de vaisselle, si vous aussi, me suivez. Hein? Aussi. C'est un petit peu... Parce que si c'est pour devoir la laver... Mais ça ne sert à rien. Ben non. On est d'accord. Allez. Mais ça va les occuper pendant quelques temps. Oui, mais et après, ils n'ont pas tort non plus. Hein. C'est vrai. Acheter une cuillère en plastique alors qu'on peut en utiliser une vraie. Aussi. Il y a le carton aussi. Enfin bref, il y a des alternatives. Ouais. Écoutez, on a des politiques qui vont réfléchir à ça. Hein. Ils ont les vacances. 480 millions de cigarettes de contrebande ont été consommées en Belgique en 2015. C'est ce qu'on apprend aussi dans la presse. Oui, ça représente 4,9% de la consommation totale des cigarettes en Belgique. C'est ce qui ressort d'une grande étude européenne menée par des cigarettiers. Elles proviennent donc surtout, ces cigarettes de contrebande, de Russie, de Bulgarie, de Roumanie, de Biélorussie. Mais finalement, on s'en sort pas trop mal à côté des champions de la cigarette de contrebande que sont nos voisins français. Avec plus de 9 milliards de cigarettes de contrebande écoulées en 2015, soit 27,1% de la consommation totale. Donc, on voit que les chiffres sont quand même beaucoup plus élevés en France. Et comment ça se fait qu'il y ait une telle différence? Eh bien, c'est parce que les cigarettes coûtent plus cher. Ouais. 6,75€ le paquet en moyenne, contre 5,51€ chez nous. Dans les journaux du groupe Sud-Presse, on parle aussi du remboursement total chez le gynécologue. Oui, attention, c'est valable uniquement pour les affiliés de Solidaris, donc c'est la mutualité socialiste, et à condition d'avoir ouvert un dossier médical global. Il faut aussi que le ou la gynécologue soit conventionné. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de conditions, mais quand même, ça vaut la peine, surtout quand on sait que 25% des femmes affiliées à la mutuelle socialiste reportent certains soins de santé pour des raisons financières. Et ça, c'est pas bien. Et puis toute la presse en parle. On termine avec ça. La Gueuse Cantillon fait l'objet de spéculations maintenant. Oui, c'est la brasserie elle-même qui le dit dans un communiqué conjoint avec la brasserie Drifontainen. Selon les brasseurs, des personnes mal intentionnées viennent acheter les bières dont la production est limitée pour spéculer après les revendre plus cher. Donc on se trouve face à un phénomène comme on connaît avec l'Orval et la Westvleteren, Renault, vous en avez déjà parlé. Bref. Affaire à suivre, voilà. Donc. Comme on dit quand on n'est pas inspiré à la fin. Quand on ne sait pas quoi dire. Quand on ne sait pas bon, comment terminer. Dites, on va écouter du Miles Davis, si vous voulez bien. Et dans la foulée, Jean-Christophe, nous allons nous attaquer à cette bête qui... Hop. Ah ben non, ah ben on ne va pas en parler alors des moustiques. Si. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a d'autres, ouais. Ça va. Messieurs, dames, vous aimez les pommes de terre primeur? Alors vous allez adorer mes pommes de terre Spunta Chocolat en provenance directe d'Italie. Elles sont à 9€ la caisse de 10 kilos. Profitez-en. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Bonjour, pompe 8 s'il vous plaît. Ok, ça nous fait un casque, une veste de cycliste et aussi un vélo trek. Waouh, c'est génial! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station Esso ou Esso Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur esso.be/fr/cycling. Soumis à condition. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce mardi, Autriche, Hongrie et Portugal-Islande. But après but, avec la rédaction des sports. Et dès 20h, en direct de Saint-Étienne avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme de Saint-Étienne Métropole. Cette semaine dans le Tip Top, Philippe Jauniot enfile sa cape et son épée pour recevoir Damien Sargue et Olivier Dion. Et moi, deux des trois mousquetaires viennent nous présenter le nouveau spectacle musical à Paris dès septembre et le 6 mai prochain à Forêt Nationale avec Vivacité. Ce soir, dès 19h, ce sera donc un pour tous et tous pour un sur Vivacité pour déjà vous faire découvrir l'album Les Trois Mousquetaires. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on sera plus ensemble, si fier qu'on s'abandonne. C'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient que jusqu'au détail. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile. Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Ce fan, tout tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Pas mal ce morceau, Navy, c'est nouveau, ça vient de sortir il y a quelques semaines déjà, ça cartonne en France. J'écoute du Miles Davis. On n'est pas des pigeons. Oh, alors c'est bientôt l'été, c'est le retour des beaux jours, de l'humidité et tout. Et avec ça, il y a, ben oui, Salbed. Ah les moustiques, cette dernière semaine, c'est vrai que Jean-Christophe, pas mal d'humidité. Une humidité qui fait plaisir à certains animaux. Et oui, et pas que les moustiques, parce que si vous avez un potager, vous avez certainement subi des attaques en règle d'escargots et de limaces ces derniers jours. Oh, c'est vrai. Ça bouffe tout, ça, pour le moment. Mais il y a plus sournois et insidieux, les culicidés. Ces petites bêtes qui pondent des œufs dans de l'eau stagnante, en d'autres termes, les moustiques. Ça s'appelle des culicidés. Culicidés. Ah, j'apprends des trucs tous les jours. On en aura peut-être plus que l'an dernier, mais pas de quoi paniquer non plus. Ils ne transportent pas le virus Zika chez nous. Ben, figurez-vous qu'on a déjà des cas de Zika en France, en Italie et en Espagne. Et en Luxembourg aussi, hein, je pense. Ouais. Hey, chez Luxembourg. Arrête, non, maintenant, ça me fait flipper, voilà, ça fait peur. Hein, ce qui veut dire qu'avec les voyages de cet été, ben, les spécialistes sont d'accord, on devrait en retrouver chez nous aussi. Et peut-être même, non pas seulement des patients infectés, mais peut-être même des moustiques porteurs du virus qui feraient le déplacement dans les avions ou les bateaux. Et c'est pour ça que la Belgique va mettre en place un réseau de surveillance des moustiques invasifs. Ça ne s'invente pas. Pour surveiller 23 sites potentiellement dangereux dans le pays, comme les ports et les aéroports, d'accord, par exemple. Alors, on n'a pas, honnêtement, on vous le dit, on n'a pas de spécialiste moustique dans l'équipe. Non. Sinon, ça j'ai essayé, mais... Donc, on s'est tourné vers le professeur Thierry Hans de l'UCL. Bonjour. Oui, bonjour. Comment va-t-on surveiller ces sites et détecter des moustiques tropicaux infiltrés parmi nos moustiques belges ? Eh bien, voilà, donc y a des techniques qui existent et qui sont des techniques de piégeage. Il y a une étude, en fait, il y a deux études complémentaires qui ont été faites, une plus ancienne qui date déjà d'il y a quelques années, et une d'il y a deux ans qui a été faite par l'Institut de médecine tropicale pour essayer de voir comment on pouvait faire le suivi et quel site, en fait, il s'agissait de suivre. Et on sait que les moustiques, eh bien, les adultes, on peut notamment les piéger parce que ce qui les intéresse, ce qui les attire vers nous, c'est le CO2, c'est le gaz carbonique qu'on émet. Et en développant des pièges, en fait, qui émettent en permanence de petites quantités de gaz carbonique, eh bien, on arrive à piéger les moustiques. Et ça, bien sûr, il faut les identifier. Oui, tout à fait. Attendez, si je mange du cassoulet, ça marche aussi? je je pense qu'il n'y a même pas besoin de cassoulet. Ah d'accord. Rien qu'en respirant, hein, ça les attire, c'est pour ça qu'ils viennent la nuit. Oui, c'est ça. On a souvent l'impression que les moustiques sont attirés par la lumière, mais ils sont essentiellement attirés par le gaz carbonique que nous émettons, et puis les odeurs corporelles. Et en fait, voilà, il y a aussi certains pièges qui utilisent un cocktail d'odeurs pour attirer des moustiques. Et il y a encore d'autres types de pièges qui proposent aux moustiques des zones de ponte, en quelque sorte. Donc les moustiques viennent pondre dans certains endroits où on leur facilite le travail, ce qui permet de récolter soit les adultes, soit de récolter des larves, qui permettent également de déterminer à quelle espèce on a affaire. Je voudrais revenir juste sur une chose. Si vous nous écoutez, vous, depuis le début de l'émission, à un moment j'ai dit que j'attirais les moustiques. Non, c'est pas on vrai. On parle d'odeur corporelle. Non, c'est pas. En fait, c'est pas moi. Dites, professeur, vous venez d'organiser un workshop, donc c'est une sorte de colloque sur le sujet la semaine dernière à Louvain-la-Neuve. Oui. Ça prouve que le moustique, ça fait donc si peur que ça ? Oui, en fait, il y a beaucoup de risques de maladies émergentes, comme on dit. Il y a vraiment des soucis. Par exemple, dans le sud de la France, il y a eu en 2014 quand même 14 cas de chikungunya, donc cette fameuse maladie qui a atteint la Réunion où il y a eu des dizaines de milliers de personnes atteintes avec parfois des séquelles assez graves. Ouais. Et le chikungunya, qui était considéré comme une maladie tropicale, eh bien arrive en Europe et de façon complètement autonome. Donc ce ne sont pas des gens qui sont partis en vacances à La Réunion, qui ont ramené la maladie et qui sont revenus malades chez nous. Ce sont des gens qui n'ont jamais voyagé, qui ont attrapé la maladie. Ça veut dire que les moustiques sont ici alors ? Exact. Donc il y a plusieurs espèces de moustiques invasifs qui sont capables de transmettre cette maladie, dont le fameux moustique tigre, hein, dont on a déjà parlé pas mal dans les infos, et qui est présent maintenant dans une trentaine de départements français et qui remonte rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on craignait, vers le nord. Oui. Alors, on ne va pas faire paniquer la population. C'est trop tard. C'est trop tard. Pour éviter une contamination, il vaut mieux prévenir, c'est ce qu'on dit. Alors, il y a quand même quelques petits trucs à faire chez soi. Quels sont-ils ? Oui. Mais en fait, voilà, les moustiques ont besoin d'eau pour pondre, mais c'est pas une mare ou une rivière ou un étang. En fait, ce sont de toutes petites quantités d'eau qui leur suffisent. Par exemple, une soucoupe avec de l'eau et dans laquelle vous déposez un pot de fleurs, c'est suffisant pour permettre à une femelle moustique de pondre et aux œufs de se développer. Des petits conteneurs d'eau, des choses qui traînent dans le jardin où il y a des pneus, par exemple, des bâches. Exactement, oui, tout à fait, les bâches, les pneus, vraiment des petites zones d'eau et qui contiennent idéalement un petit peu de matière organique. Par exemple, une corniche bouchée avec des feuilles en décomposition, pour eux, c'est le genre d'endroit idéal. Donc voilà, il faut nettoyer tout ça, c'est le premier élément de prévention et c'est quelque chose d'extrêmement important à faire. Et on parle souvent aussi de citronnelle pour éloigner les moustiques, mais j'ai entendu dire que finalement, ils s'y habituaient, que ça ne fonctionnait plus, c'est vrai ? Oui, en fait, la citronnelle, elle est active pendant un temps relativement court, c'est 2 à 3 heures, on estime, donc il faut la réappliquer souvent. Il peut y avoir une habituation des moustiques, mais c'est surtout le fait que ce sont des molécules en fait, qui sont volatiles, c'est pour ça que c'est un parfum, ça se disperse dans l'air, ça s'évapore, et donc l'activité diminue très vite, et en plus avec la chaleur corporelle, on accélère l'évaporation de ce composé. Maintenant, il faut mettre une salopette hein, pour éviter tout. On sort dehors, on s'habille de la pierre. Voilà, on ne sort plus. On ne sort plus. Ou on prend des produits anti-moustiques efficaces, ça les répulsif. Donc voilà, il y a des répulsifs anti-moustiques à base de DEET notamment qui sont efficaces, mais qui, il faut se rappeler que ça reste un produit insecticide. Donc il faut l'utiliser, par exemple, si vous allez dans une région en vacances en Afrique ou pour le travail ou n'importe quoi, et où il y a des risques de contamination par la malaria, c'est recommandé à ce moment-là. Mais il faut éviter d'employer ça systématiquement. Ça reste des produits qui sont toxiques, y compris pour

Kid Noise sur Viva avec le titre Ocean. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Jusqu'au 1er juillet, jusqu'à la fin de la saison, on vous refait vivre une fois par heure dans cette émission les meilleurs moments. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, des bons moments. Il a fallu les choisir. Ça n'a pas été simple, Aurore. Non, la sélection était difficile. Ouais. Il y a quelques mois, notamment, il y a François qui nous avait donné quelques bons plans pour manger des légumes. C'était en hiver, hein. On précise quand même, on recontextualise un petit peu. Ce qui explique. Parce que maintenant, on n'est plus en hiver, peut-être. Non, vous avez vu le temps de non, mais je veux dire, ce qui explique qu'on va vous parler de légumes de saison et c'est pas qui les ne légumes sont pas de la saison. Bonne saison. Tu comprends ce que je veux dire. Mais je suis d'accord avec. Au niveau climat, c'est fort proche. Oui, au niveau climat, c'est fort proche, effectivement. On n'est pas des pigeons, le best-of. Pour la soupe, on n'a que l'embarras du choix. Citez-moi trois légumes de saison. Chicon. Ouais. Sébastien. Alors je vais te dire ce que chou-fleur, je mets dans la soupe. Carotte, poireau, ça c'est les soucis. Chou-fleur, tous les choux, on est bien d'accord. Ce sont des légumes de saison, au total il y en a 26. Le plus difficile ce n'est pas de trouver la liste de ces légumes sur internet, mais bien de faire manger ces légumes à nos enfants ou à nos petits-enfants. J'ai demandé aux trois plus merveilleux enfants de la Terre, Théo, Mathieu et Florian, s'ils aimaient les légumes, écoutez. Concombre, tomate. Et carottes. Et si je te dis chicon? Non. Chou de Bruxelles? Non. Betterave? Non. Topinambour? Céleri? Non. Poireau? Non. Et par exemple les épinards? Ça j'aime pas. Et Le riz j'aime bien et la salade. Mais le riz c'est pas des légumes. Et toi Florian, tu aimes bien les légumes? Moi j'aime bien la soupe de la sauce aux ananas. Mais c'est pas des légumes ça les ananas. Moi de la soupe aux courgettes. Et les soupes aux tomates, ça va? Oui, j'adore. On l'a entendu. Les légumes classiques, ça va, mais les légumes de saison, c'est plus compliqué. Il y a même un dégoût avant même de les avoir goûtés. Finalement, vos enfants sont comme tous les enfants. Voilà, exactement. On est d'accord. Ça existe aussi chez les adultes, hein, mais on fonctionne différemment. Oui, parce que nous, si on nous propose quelque chose, si on ne connaît pas, la bienséance veut qu'on goûte quand même. Ouais. Exemple, une bière bio. Sébastien, je vous la passe, non, vous allez la goûter. Bah écoute, voilà, attends, je goûte. Au moins. Et plus qu'elle a goûté. Elle n'est pas mauvaise. Voilà. Et vous ne la connaissiez pas. Et je ne la connaissais pas. Mais maintenant, comment faire en sorte que les enfants découvrent de nouveaux goûts, de nouveaux légumes sans rejet? Je propose qu'on pose la question à un professionnel. Nicolas Gungelbun qui est au téléphone. T'as vu, j'ai bu une gorgée. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes diététicien nutritionniste? Oui. Donc, alors, en quelques mots, pourquoi la plupart des enfants ont du mal à manger des légumes? Parce que la plupart des enfants passent, et c'est tout à fait normal, par une période, une phase qu'on appelle la néophobie, donc c'est la peur de tout ce qui est nouveau, et ça survient chez 3 enfants sur 4, entre 2 et 10 ans, et c'est ce qui explique particulièrement pour les légumes, parce que ce sont des aliments qui sont peu attractifs pour les goûts de l'enfant parce qu'ils sont peu caloriques et que l'enfant est attiré par le gras et le sucré. Ah forcément, hein. Voilà, et que d'ailleurs ça peut être, c'est bon de le savoir parce que ça peut permettre d'aider à faire manger un légume en ajoutant du gras. Le légume étant très léger, on peut se le permettre. Mais le processus en soi est tout à fait normal, donc il ne faut pas s'inquiéter qu'un enfant dise non, j'aime pas, j'ai pas envie. Mais il ne faut pas insister, Nicolas, il faut proposer plusieurs fois sans pour autant punir si on ne prend pas. Alors ce qu'on remarque, c'est que les enfants qui mangent le plus diversifié, c'est-à-dire le nombre de légumes différents le plus élevé, sont ceux généralement chez qui on a introduit de la diversité très tôt dans la vie. C'est-à-dire dès ce qu'on appelle la diversification, une fois qu'on alterne après l'allaitement maternel ou le biberon, et qu'on commence à introduire de la carotte, et de la courgette, etc., eh bien là, c'est vraiment une fenêtre qui permet de d'ouvrir finalement d'ouvrir les portes de cette diversité en commençant très tôt. Et si maintenant on n'a pas fait ça très tôt, comment est-ce que peuvent faire les parents? Alors, effectivement, pourra donner le goût des légumes. Bon, il y a beaucoup de petites choses. La première chose qu'il faut savoir, c'est de surtout pas faire comme on faisait il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire obliger l'enfant non seulement à goûter, mais à finir toute son assiette. Ça, c'est, on l'a compris après, on fabrique des générations de gens qui vont finalement retenir le côté punitif et négatif associé aux légumes. Donc, ce qu'il faut, c'est encourager à goûter, peut-être obliger, en tout cas, au moins à goûter, et puis, plutôt que de forcer, non, ce qu'il faut, c'est exposition répétée. Donc c'est revenir plusieurs fois sur le tapis. On entend souvent des parents qui disent oui mais non, ils n'aiment pas les petits pois, j'ai déjà essayé 3 fois, ils n'aiment pas. Eh bien il faut essayer jusqu'à 20 fois pour que ça marche. Et la soupe est par exemple un bon truc pour arriver à incorporer des légumes parce que c'est aussi en variant les préparations et en parlant avec l'enfant, on dit tiens, est-ce que tu reconnais quelque chose? Ce goût, ça te dit quoi? jouer finalement. Dans les gratins aussi, ça voilà, marche toujours. Voilà, les gratins, les tartes aux légumes, ouais. Les quiches, etc. Et puis, les cakes. Et puis surtout, il ne faut pas ne pas en manger soi-même. C'est-à-dire, les enfants qui ne mangent pas en même temps que les parents, par exemple, mais c'est beaucoup plus difficile parce que l'enfant, lui, qui n'a jamais mangé de petits pois, s'il voit sa maman ou son papa ou les deux manger des petits pois, eh bien, au fur et à mesure, rien que du visuel, de la répétition de voir manger des petits pois, il va commencer par comprendre que cet aliment est familier et il a du bon puisque ses parents l'utilisent. Par contre, si c'est les parents donnent la cuillère et eux mange après, l'enfant n'est pas baigné dans cet environnement visuel. Donc ça se construit beaucoup aussi avec la représentation. Parce qu'au début, certains auteurs parlent d'ocni, d'objets comestibles non identifiés. Il faut bien se dire que pour un enfant, une tranche d'aubergine, c'est du brun mou dans l'assiette, ça lui rappelle ses excréments, pas seulement l'expression. Ouais. Mais s'il voit son papa le manger. Donc il faut l'expérience par le goût, mais aussi par la répétition, par le visuel. Et puis alors, il faut utiliser quelques trucs et astuces. Et pas commencer par le chicon. Pas commencer par le chicon, les choux, etc. Parce que c'est vrai que les enfants sont particulièrement sensibles à l'amertume. Ils n'aiment pas, et certains enfants le sont plus que d'autres. Donc ça aussi, il y en a qui ont des récepteurs à l'amertume plus développés, et chez qui ça va être plus difficile de faire apprécier l'amertume. Et ça, c'est quelque chose qui vient plus tard dans la vie. Merci Nicolas. Avec plaisir. Moi, je suis sensible à l'amertume aussi de l'Orval. On n'est pas des pigeons, le best-of. Manger des légumes, c'est ce qu'on retiendra. Et puis un peu de musique aussi. Cette musique, elle est signée Toto, souvenir de 1983. Si vous voulez joindre la rédaction, n'hésitez pas, on rappelle les différents moyens pour le faire. Oui, vous pouvez par exemple envoyer un mail à l'adresse pigeon@rtbf.be, le répondeur 070-222-660, et voilà. Et voilà, et les infos de midi arrivent dans quelques instants, évidemment. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient man. Turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gonna take a life to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. pourrais vous raconter une autre histoire de Toto, mais on va pas le faire, ça ne sert à rien. Après l'info, nous allons goûter une boisson relaxante. Et puis, Samy viendra nous montrer son scampi. Et rien que pour ça... Un bon scampi à la gélatine, comme vous aimez. Ça vaut la peine d'attendre et de rester sur Viva. Troc, troc, troc. Qui est là? C'est nous. Trois magasins pour vous servir. Verviers, Chesnay, Amay. Tous nos trésors sont sur troc.com. Troc.com. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce mardi, Autriche, Hongrie et Portugal-Islande. But après but avec la rédaction des sports. Et dès 20h, en direct de Saint-Étienne avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme de Saint-Étienne Métropole. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Vivacité à Esneux. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Voir Christian Marquet sur un écran aux couleurs éclatantes? Choisissez votre TV pour le foot dans un magasin Vandenborg et emportez-la directement. Vandenborg. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos présentées par Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour, il a été tué à coups de couteau alors qu'il était en civil et qu'il rentrait chez lui et sa compagne, elle a été exécutée dans leur maison. Un policier et sa femme, assistant d'un commissaire, ont été tués hier soir à Magnanville en banlieue parisienne. Seul leur enfant de 3 ans a survécu, il est évidemment très choqué. Le meurtrier a été abattu par les hommes du raid, il s'était retranché chez ses victimes. Un homme qui s'est revendiqué du groupe terroriste État islamique et Daesh a également revendiqué ce double meurtre. C'est incontestablement un acte terroriste, a réagi le président François Hollande. Il a présidé une réunion en urgence tôt ce matin à l'Élysée. Écoutez une autre réaction, celle du maire de Magnanville, Michel Lebouc. On est venu dans notre ville, ça peut arriver à tous les maires de n'importe quelle commune, frapper en plein cœur, dans une rue, dans une famille, l'État, parce que c'est l'État qui est visé aujourd'hui. Je connaissais bien surtout la femme, donc je l'avais vue la semaine dernière, elle essayait en plus de gérer avec ses collègues policiers une association sur notre commune. Voilà, c'est dramatique, c'est inqualifiable dramatique. Vous savez, quand vous êtes maire d'une commune de 6500 habitants, on continue à vivre, hein, on n'est pas en dehors du monde, bien entendu. On laisse faire les forces de renseignement, les forces de police, leur travail. Je pense qu'ils l'ont encore très bien fait hier, entre les hommes du raid, entre la police nationale, et je peux vous dire que ça a été compliqué pour eux, parce qu'ils ont perdu un de leurs camarades. Mais je pense qu'il y a eu un très, très gros travail de fait hier soir, mais ils n'ont pas pu éviter le pire, il y a quand même 2 morts de trop encore. Le maire de Magnanville, un témoignage recueilli par nos confrères de France Info. Le tueur avait été condamné pour participation à une filière djihadiste. Il avait été libéré de prison en septembre 2013. Fiché pour radicalisation, son nom avait ressurgi récemment à nouveau dans une enquête sur une filière terroriste. Et on apprend à l'instant que 2 personnes sont placées en garde à vue. La France qui expulse des supporters russes, contrôle d'identité ce matin dans un hôtel qui les héberge près de Marseille. Ces hommes seraient sur une liste noire de hooligans. Plusieurs ont été envoyés dans un centre de rétention pour être expulsés. Ces supporters russes s'apprêtaient aussi à partir pour Lille où leur équipe joue demain. La France face à 2 nouvelles manifestations également. Les syndicats, CGT en tête, espèrent mobiliser plusieurs centaines de milliers de personnes pour marquer à nouveau leur opposition à une réforme du travail. 600 cars remplis de manifestants rejoignent Paris. Il s'agit de la 9e journée d'action syndicale. Chez nous, 130 personnes contrôlées ce matin à Chièvre, près d'Ath, dans le Hainaut. Contrôle demandé par les Tech Hainaut. Des parents se plaignaient de la présence de plusieurs jeunes, fumant des joints dans le fond du bus et s'échangeant aussi de la drogue. Une quinzaine de policiers et 2 chiens ont mené l'opération, mais rien n'a été saisi et aucun procès verbal n'a été dressé. C'était l'annonce surprise, plutôt bien accueillie de la semaine dernière par les parents d'enfants à Charleroi. Les garderies d'enfants seront gratuites dès septembre dans les écoles communales. Mais ce matin, 100 d'agents manifestaient dans l'hôtel de ville pour rencontrer les élus. Ils travaillent tous pour le service d'accueil d'enfants. Mais ce qu'ils redoutent, c'est que des contrats des accueillantes ne soient pas renouvelés au début de chaque nouvelle année scolaire. Écoutez Philippe Barbion, délégué CGSP. Je pense que autant c'est peut-être un bon signal pour la population, autant c'est un mauvais signal pour les travailleurs, sachant que on a l'expérience dans d'autres domaines, rentre la gratuité des services publics dans le cadre des garderies, risque d'avoir une augmentation de fréquentation, et donc dans ce cadre-là, devrait avoir une augmentation de personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il a retrouvé 1 million d'euros pour rentre la gratuité des garderies cette année, il faudra pérenniser dans le temps, puisque l'année prochaine, ce 1 million d'euros, il faut le retrouver. Et donc quand on voit les finances communales et qu'on nous dit que d'année en année, il faut serrer la ceinture, est-ce que c'était la bonne décision? Je lui laisse le juge. Et la rencontre avec les élus communaux, cette rencontre a bien eu lieu. Les échevins ont pu rassurer le personnel. Ils leur ont précisé qu'il n'y avait aucune perte d'emploi prévue. Une série de réunions pour régler plusieurs points techniques sont prévues durant l'été. Un point RTBF Mobile Info avec Caroline Gillet. On part sur le 42, ça s'arrange enfin. Oui, ça s'arrange, on respire un peu puisqu'on a perdu jusqu'à 1h30 sur cette 42 puisque les voies centrales et de droite sont toujours neutralisées par un accident qui implique plusieurs camions. Mais à présent, vous ne ralentissez plus que sur 5,5 km, vous ne perdez plus qu'une demi-heure en direction de Mons. La chaussée devrait être totalement dégagée en milieu d'après-midi, nous a-t-on dit. Une déviation est conseillée via le ring 3 de Charleroi à hauteur d'Épigny. Notant plus qu'un chantier se trouve un peu plus loin entre Timéon et Manage, et là c'est la voie de gauche qui est fermée en direction de Mons. Ce chantier durera jusqu'à 15h. Camion en panne sur le 42 Namur-Mons, encore c'est aux alentours de Fleurus. La voie de droite est indisponible en direction de Mons, et puis dernier ralentissement sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure, des files dues au chantier d'Anderlecht. Vous ralentissez entre Haut-Titre et Grand-Bigard et vous perdez une dizaine de minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et vous retrouvez bien sûr Sébastien Nolvo et l'équipe d'En est pas des pigeons. Merci Delphine, bel après-midi. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. De 8 à 9, le 8-9. On n'est pas des pigeons, sur Vivacité. Vous voulez le programme de cette deuxième heure? Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui! Vous voulez le programme? Je l'entends, je le conçois et je vous le donne. On va déguster du zen. On va être zen avec une boisson Piper, présentée comme une boisson relaxante. On goûte ça dans 5 minutes. Samy, on parle de Scampi avec vous aussi. De Scampi à la gélatine, peut-être un scandale sanitaire. On va voir ça tout de suite. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'invente pas pour nous faire peur. Après les moustiques, les Scampi. Dites, on va téléphoner à Christophe qui aime les jeux de hasard tellement qu'il est interdit de jeu par certaines salles parce qu'il a gagné trop d'argent. Est-ce que c'est bien légal? On verra ça dans quelques instants. Jean-Christophe, vous aussi, vous aimez les jeux, mais vous ne gagnez... Je ne gagne jamais, moi. Donc, alors, vous le dépensez, ce que vous n'avez pas, sur le commerce en ligne. Mais j'achète des jeux en ligne, ouais, bien entendu. Mais les chiffres du commerce en ligne sont sortis pour le premier trimestre 2016 et ça fonctionne vraiment très très bien. Le Belge achète de plus en plus sur Internet. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe, évidemment, Aurore. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons, où vous pouvez encore déposer votre coup de gueule du jour. Vous pouvez aussi le faire par mail à l'adresse pigeon@rtbf.be ou via le répondeur 070 222 660. Smilly, si vous mangez des frites, n'oubliez pas la sauce. Sauce andalouse. Évidemment, côté musique, il y aura Kenji et Katy Perry. Excellent appétit. Donc, si vous passez à table, on est encore ensemble jusque 13h. C'est les pigeons sur Viva. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. Feeling, c'était Justin Timberlake. Bah, à la vôtre, hein. Tentez. Puis bonne chance, surtout. Oh, il fait tellement chaud que je boirais bien un petit truc rafraîchissant. Je déconne en disant il fait tellement chaud. Mais la boisson rafraîchissante, Aurore Louvre, ça fait... C'était censé faire pchit, mais ça l'a fait dans ma main aussi. Ça fait pchit. Bonjour, Philippe Mélon. Bonjour Sébastien. Vous êtes distributeur d'une boisson qui vient de loin. Tout à fait, ça vient de Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est vrai et pas vrai, parce que c'est fabriqué en Italie, mais le créateur, le producteur initialement est néo-zélandais. Alors ça s'appelle Piper. Piper. Et quelle est la particularité de cette boisson, puisque d'abord elle est rafraîchissante, mais on dit qu'elle serait relaxante. Alors c'est effectivement une boisson apaisante, déstressante. Il n'y a aucun effet de somnolence, hein, donc c'est vraiment une boisson qui est censée apaiser. Et sur base de quoi? Alors dans ce cas-ci, principalement la mélisse, ouais, qui est connue depuis l'Antiquité pour ses vertus déstressantes, mais pas seulement, elle a aussi d'autres vertus. Accessoirement, il y a quand même aussi un petit peu de persiflore ou de fleur de passion, qui a aussi des vertus apaisantes. Donc ça, ce sont les deux principes actifs principaux. On va décrire ce qu'on a dans nos petits verres. D'abord, on a une bouteille en alu. Oui, elle est vraiment bien fraîche. Et la boisson, c'est une boisson pétillante, oui, rouge. Ça ressemble à une limonade. Voilà. Ça ressemble à une limonade. Fort goût de cassis ici, parce que je présume que c'est à base de cassis. À base de cassis, il y a des chances. Et la proportion du fruit en plus est assez élevée quand même, il y a 43%. Alors on est dans une boisson qui est, je veux dire, avec des ingrédients composés d'ingrédients 100% naturels, et on a effectivement plus de 40% d'extrait de fruits, ce qui est plus que pas mal de jus de fruits que l'on retrouve dans le commerce. Et qu'on propose aux enfants en disant il y a du jus de fruits et que c'est pas vrai. Alors je dirais ce qui est très intéressant, c'est que cette forte concentration en sucre de fruits, c'est que ce sont des sucres que vous allez brûler si vous avez une activité physique, contrairement au sucre ajouté. Ici, il n'y a pas de sucre ajouté. Oui, il y a en plus un sucre naturel, j'ai vu, je ne connaissais pas, l'inuline. Alors, l'inuline, que je reprenne ma petite littérature. Mais je peux vous dire, parce que j'ai aussi ouvert Wikipédia devant moi, c'est un sucre naturel qu'on trouve notamment dans la chicorée, et aussi l'artichaut et le pissenlit. Mais donc, ça reste un sucre naturel. Tout à fait. Donc, tout est naturel dans votre boisson. C'est présent dans de nombreuses plantes et de nombreux fruits. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça reste assez sucré. Hein. Ça reste assez sucré. C'est sucré, mais franchement, et acide. Il y a un petit côté acide. Alors, c'est pas mauvais, mais pourquoi la Nouvelle-Zélande à l'origine de cette boisson? Il faut savoir qu'en Europe, actuellement, il y a encore très, très peu, pour ainsi dire, pas de boissson rafraîchissante, apaisante, parce qu'on est encore dans un marché qui est assez conservateur. Et à peu près 85% des gens ont déjà consommé des boissons apaisantes, mais généralement sous forme de tisane ou d'infusion. Oui. Cette nouvelle donne, en fait, répond simplement à un besoin, c'est que les jeunes ne consomment pas de tisane ou d'infusion. Bah, c'est vrai que quand on dit tisane, infusion, on pense tout de suite. C'est pas très glamour. On pense c'est tout de suite. C'est la version un peu plus âgée. C'est quoi, c'est le contre-pied des boissons énergisantes alors? Alors oui et non. Ça n'a pas été créé pour être le contre-pied des boissons énergisantes. C'est simplement, ça répond à un besoin de stress, hein, d'essayer d'apaiser, de réduire le stress que nous vivons tous très fortement et c'est en hausse depuis 10-15 ans. Ça répond aussi à un besoin de pouvoir mieux se reposer parce qu'aujourd'hui, de par le stress, on a aussi un sommeil qui est beaucoup moins réparateur. Mmh. Et il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, les jeunes, par exemple, quand ils étudient, boivent des boissons apaisantes plutôt que des boissons énergisantes. D'accord. Parce que ça, c'est prouvé, les fonctions neuronales sont bien plus efficaces quand on est apaisé que quand on est excité. Bah dis donc, bah ça c'est un truc à... Ça coûte combien? La bouteille est superbe, mais tout ça doit avoir un petit coût, non? En plus, ça vient de Nouvelle-Zélande. Alors, c'est vrai que la bouteille a un coût. Au départ, c'était produit dans une canette de 250 millilitres. Oui. Et finalement, en brainstormant, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas une mauvaise idée de se distancier des energy drinks, parce qu'une canette de 250 millilitres est souvent assimilée à une boisson énergisante. Mmh. Ici, on est en forme de bouteille, 250 millilitres. Et donc, voilà, on est dans une forme de bouteille. Combien ? Le prix ? 1,49€, c'est normalement le prix auquel elle devrait se retrouver dans la grande distribution. Ce qui n'est pas plus cher qu'une boisson énergisante, quelque part. Ouais. Et c'est la version moderne. Et en plus, moderne. C'est bon. C'est bon. Ce qui est marrant, c'est que c'est la tisane revisitée quelque part. C'est la tisane revisitée pour attirer un nouveau public. On la trouve où cette boisson? Alors, j'espère qu'elle va aboutir et atterrir très rapidement dans la grande distribution. Pour l'instant, c'est encore de manière relativement réduite, mais je la vends essentiellement pour l'instant dans l'horeca, dans la gastronomie. Mais j'ai des contacts avec la grande distribution, donc c'est vraiment un produit qui est dédié aux consommateurs, mais aussi aux distributeurs. Qui vendent en fait des boissons dans les bureaux, dans les restaurants de collectivité, un site internet etc. peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés. www.melba.be. Et alors je vais juste faire une petite remarque encore, c'est que c'est un produit qui a une mixologie très intéressante. C'est-à-dire ça peut se mixer très très bien avec des alcools et c'est d'ailleurs mais voilà. Vous auriez dû commencer par ça. Ils sont les alcools qu'on puisse commencer à goûter. C'est d'ailleurs beaucoup plus sain de mixer ça avec de l'alcool que des boissons énergisantes parce que l'alcool est aussi un excitant avec un effet rebond. Donc ça contrebalance. En tout cas, on va être relax puisqu'on a goûté cette boisson, on va être zen tout l'après-midi. Merci Philippe Mélon d'être passé, de nous avoir présenté votre produit qui sera, on l'espère pour vous, commercialisé un peu partout pour tout le monde. C'est la version moderne de la tisane. Pourquoi pas? On parle de quoi dans un instant, Samy, après Kenji? De crevettes à la gélatine. Mais ça n'existe pas, ça. Mais si, et non. C'est en Chine, au Vietnam, et peut-être chez nous, point d'interrogation. Pour moi, le match ne commence pas avec... Non, tu as raison, et il ne commence pas non plus avec... Tout à fait d'accord, il ne commence même pas avec... Quel merveilleux mouvement d'attaque en ce début. Non, pour moi, le match commence... Avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi. Cette semaine, le 5 à 7 de Vivacité s'envole pour le Québec. Faut y aller! Découvrez les expressions de chez nous et tentez de deviner ce qu'elles signifient. Il n'est pas question que j'aille jouer à ton quiz niaiseux. Vous pourriez remporter un panier garni québécois ou un magnifique séjour au Québec. Il faut y aller! Et le jeudi 23 juin, dès 17h, venez lâcher votre fou. Participez à la fête nationale du Québec au Moudeur Lambic, place Fontenasse à Bruxelles. Oh, s'il vous plaît. Avec Tourisme Québec, Air Transat, GoToCanada et la Délégation Générale du Québec à Bruxelles. Vivacité et la Une présente du 10 juin au 10 juillet. Toutes les rencontres des Diables Rouges sur écran géant au Standard de Liège à Sclessin. Un stade mythique, 10 000 places debout, en plein air, animation DJ, écran géant de 40 mètres carrés, grand parking et animations diverses. Plus d'infos sur la page Facebook Eurocafé 2016 avec Circus, Ergo et la Meuse. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Portugal-Islande à suivre en direct ce mardi soir sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Vivacité à Serein. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Sur des airs de guitare et puis tu bouges tes cheveux noirs, tes lèvres rouges, tu te balances, le reste n'a pas d'importance comme un soleil. Tu me brûles et me réveilles, tu as dans les yeux le sud et le feu. Je t'ai dans la peau, baila, baila, oh. Sois toi ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête, je perds le nord, je perds la tête. Toi ma belle Espagnole, quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus le monde autour, c'est peut-être ça l'amour. Des airs d'Orient, le sourire et le cœur brûlant, regard ébène. J'aime te voir bouger comme une reine, ton corps ondule. Déjà mes pensées se bousculent comme la lumière. Il n'y a que toi qui m'éclaire, tu as dans la voix le chaud et le froid. Je t'ai dans la peau, baila, baila, oh. Sois-toi ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête, je perds le nord, je perds la tête. Toi ma belle Espagnole, quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus le monde autour, c'est peut-être ça là. Kenji avec Andalouse, Kenji Girac qui sera en concert avec Vivacité. Ce sera le 21 juillet prochain sur la scène des Francopholies de Spa. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Samy, avec vous, on va revenir sur une vidéo qui tourne sans cesse hein, sur les réseaux sociaux. On y présente des gambas élevés en Asie et gonflés à la gélatine. Alors, difficile de savoir si c'est vrai, mais elle semble... récolter pas mal de crédulité, cette vidéo, vous vous êtes un peu penché là-dessus. Alors, est-ce qu'on nous vend des gambas à la gélatine venues du Vietnam? Alors, dans la vidéo, on voit effectivement une petite entreprise spécialisée dans l'engraissement des crevettes. On y voit une dame qui injecte de la gélatine dans le corps de l'animal, ce qui lui permet de prendre 20% de poids en plus. Bidon ou pas bidon? Eh bien non, il y a effectivement des crevettes bourrées de gélatine en Chine et au Vietnam. J'ai fait analyser les images par une source vietnamienne. Le reportage a bien été diffusé sur une chaîne locale pour dénoncer ce genre de pratique. C'est donc illégal au Vietnam, hein, même là-bas. D'autant qu'il y a sûrement un risque sanitaire si on utilise de la glu industrielle, vous imaginez. Super. Quel beau mélange. Ce qui n'est pas avéré. Hein, mais puis, on utilise des aiguilles dans des conditions sanitaires déplorables. Pour l'instant, pas de mort, mais certains trafiquants ont été arrêtés en Chine. Mais c'est quel type de gélatine? Alors, il y a de l'agar agar dedans, ça c'est issu d'algues, et surtout du carboxyméthyl de cellulose, un gel d'origine synthétique qu'on retrouve dans certains glaces ou dans des dentifrices, mais en quantité infinitésimale. Mais attends, on peut retrouver ces crevettes chez nous? Alors, j'ai contacté l'Union Européenne, l'AFSCA, le SPF Économie, rien à signaler, il n'y a pas eu une seule plainte auprès du SPF Économie. Il faut d'abord déposer plainte pour que l'on fasse des contrôles spécifiques. Hein. Mm-hmm. Donc, aux États-Unis l'année passée, une alerte a été lancée sur les gambas venus de Chine, mais je vous dis, pour l'instant, à part en Chine ou au Vietnam, il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est difficilement détectable peut-être aussi? Moi, je suis tombé sur des photos postées par des gastronomes chinois. Alors, ils ont trouvé des bouts de gélatine en mangeant leur scampi. De la gélatine présente en masse à la charnière entre la tête et le corps du scampi. Si votre gamba se fait 12 kilos, faut méfiez-vous. Prévenez l'AFSCA. Méfiez-vous. Ça a l'air quand même d'être facilement détectable. Donc, si vous trouvez dans votre assiette des gros bouts de gélatine, prévenez le SPF Économie et puis prévenez-nous aussi, on fera un joli reportage. Et partez en courant surtout, sans spécialement payer l'addition, parce que là on vous arnaque, hein. Je suis c'est désolé, clair. Mais là, qu'est-ce qu'on invente de nos jours, monsieur? Alors. Mais qu'est-ce qu'on invente, hein? Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow. And when it's time you know, you just gotta ignite the light. Sur Vivacité avec le titre Firework. Une pause, les titres de l'info arrivent, on fait un petit détour par la rédaction et on revient derrière avec, je vous le donne dans le désordre, un monsieur qui est interdit de jeu parce qu'il gagne trop, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'interpellant. Et Jean-Christophe nous parlera des chiffres de l'e-commerce qui se portent plutôt pas mal. Semaine dans le Tip Top, Philippe Jauniaux enfile sa cape et son épée pour recevoir Damien Sargue et Olivier Dion. Et deux des trois mousquetaires viennent nous présenter le nouveau spectacle musical à Paris dès septembre et le 6 mai prochain à Forêt Nationale avec Vivacité. Ce soir, dès 19h, ce sera donc un pour tous et tous pour un sur Vivacité pour déjà vous faire découvrir l'album Les Trois Mousquetaires. Les émissions, les journaux, les dernières infos de votre région, le cactus, les enfants de cœur, les invités, le 8-9, le meilleur de Vivacité, à volonté, en son et en images, et sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Batico vous propose des maisons neuves, tout frais compris. Batico, plus qu'un nom, une signature. Surfez dès maintenant sur batico.be. Pour profiter pleinement de votre été en Wallonie,

Shaggy sur Vivacité avec Lonely Town. Faire le vide en toi, il faut, si tu veux découvrir les vrais responsables de ce complot. En 12h35, on accueille Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Sébastien. Christophe, vous avez trop gagné au jeu de hasard. Il semblerait, oui. Et ça, en fait, c'est le début des problèmes pour vous, quelque part. Donc, vous avez beaucoup de chance dans la vie. C'est-à-dire que vous êtes un joueur ou pas? Forcément. Je suis un gros joueur. Mais vous dépensez beaucoup d'argent au jeu? Beaucoup. C'est-à-dire? On peut savoir? Oui, il n'y a pas de secret. C'est difficilement chiffrable, dans le sens où les montants ne sont pas tous les mêmes. Mais je peux mettre plusieurs milliers d'euros sur une journée dans une salle de jeu. Ah oui, quand même? Oui. Quand même. Et vous gagnez combien, alors? Parce que c'est ça qui vous amène sur l'antenne de Vivacité. On expliquera alors, après pourquoi. De nouveau, il n'y a pas de règle établie. Je ne suis pas gagnant tous les jours, ni même tous les mois. Maintenant, c'est proportionnel. Un petit joueur gagne peu et perd peu, et un gros joueur, quand il gagne, va gagner beaucoup. D'accord. Et c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Et les problèmes, justement, c'est que vous êtes interdit de salle parce que vous gagnez trop. Oui, c'est ça. Dans deux établissements, Circus et Family Game, pour ne pas Family Game Center, pour ne pas les nommer. On vous a expliqué pourquoi? Non, justement. Le début du problème se situe là, c'est qu'officiellement, il n'y a jamais moyen d'avoir une explication. Mm-hmm. On ne vous prévient même pas quand vous êtes interdit. Donc, c'est-à-dire que vous quittez la salle, on vous paye quand tout se passe bien, quand vous n'êtes pas obligé d'y retourner le lendemain ou la semaine d'après. Ouais. Et quand vous vous représentez à la salle X jours ou X semaines plus tard, à ce moment-là, vous êtes interdit. Sans aucune explication. Bon, oui. On va donner un coup de fil, nous, du côté de la commission des jeux de hasard. On a son président, Étienne Maric, en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, Étienne. Oui, bonjour. Monsieur Maric, est-ce qu'on peut interdire un client d'entrer dans une salle sous prétexte qu'il gagne trop? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que un tel motif puisse être. Il pourrait être avancé, mais à mon avis, ça ne peut pas être le motif réel. Bien sûr, votre auditeur, monsieur Christophe, a la possibilité de déposer plainte auprès d'un service, notre service. Mm-hmm. On fera une enquête éventuellement. Donc, c'est info. @gamingcommission.be et donc on fera une vérification pour voir ce qu'il en est exactement. Mais apparemment ici on lui interdit l'entrée mais on ne donne pas d'explication. Est-ce qu'on peut interdire l'entrée à n'importe qui? Une salle de jeu, c'est un lieu privé où les personnes se réservent le droit d'entrée? Donc à partir du moment où on entre dans une salle de jeu ou dans un casino, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais enfin peu importe, il y a un règlement d'entrée intérieure qui a été signé par le joueur au moment de son entrée et où effectivement l'exploitant se réserve la possibilité d'exclure. Et pour quelle raison? En général parce que soit on demande de l'argent pour pouvoir jouer, donc ça c'est un motif évidemment qui ne peut pas convenir, ou bien il y a disons une relation qui est détériorée entre le personnel et le joueur, ou bien parce qu'il y a des machines qui ont été bousculées ou que sais-je, parce que les gens, quand ils ne jouent pas, quand ils ne gagnent pas, sont parfois désagréables. Donc, en vertu du règlement d'ordre intérieur, il peut y avoir un refus du joueur, de l'accès du joueur, et notamment lorsqu'il se présente en état d'ébriété ou lorsqu'il importune des clients ou des choses pareilles. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas le cas avec vous, Christophe. Ça, d'accord. Non, absolument pas. Ça mérite alors, disons, une vérification. J'ai vérifié pour un des établissements, pour une série d'établissements, les interdictions au nom de Christophe pour le mois de mai et le mois de juin. Ouais. Il n'y a aucun interdit au nom de Christophe pour le Family Game Center. Je n'ai pas encore la réponse en ce qui concerne le Circus. Mais est-ce que ça existe des espèces de listes noires qui circuleraient dans les clubs de jeux? Oui, à partir du moment où effectivement les gens sont connus pour arriver en état d'ébriété ou de, disons... Oui, mais là, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que quelqu'un qui gagne beaucoup, est-ce qu'on peut le soupçonner de tricher, par exemple? L'opérateur a tout intérêt à ce que quelqu'un gagne parce que ça lui fait de la publicité, donc il s'entend avec un croupier pour avoir des avantages ou des choses pareilles, et à ce moment-là le personnel le rejette évidemment parce qu'il ne souhaite pas perdre son emploi, ce qui est relativement normal, et donc le joueur rejoue l'argent qu'il a joué, donc finalement ça ne peut pas être un motif, à mon sens, pour refuser un client, parce que ça lui fait de la publicité à la salle ou à l'opérateur. Donc, Non, ça serait contre-productif. Et petite question, petite question pour Christophe. Est-ce que vous avez déjà essayé d'autres salles de jeux, mais du même groupe, mais dans d'autres villes? Oui, alors voilà. J'ai regardé donc pour les Family Gather Center, j'ai interrogé l'opérateur. Entre le mois de mai jusque maintenant, je ne vois aucun prénom, Christophe, qui a été interdit. J'ai la liste des... Ouais. Des interdits, mais il n'y en a aucun qui porte un prénom dit Christophe. Par contre, je n'ai pas pu vérifier pour Circus, mais j'aurai l'information. Donc, Christophe, vous vouliez rajouter quelque chose? Si j'ai ces coordonnées complètes, je ferai une enquête. Bon, à façon, vous donne les coordonnées aux antennes. Je vous ferai suivre les coordonnées, il n'y a pas de souci. Oui, en fait, par rapport à ce que vous disiez, j'ai deux anecdotes. Un établissement où j'ai dû retourner deux jours plus tard pour avoir de l'argent parce qu'il n'avait pas assez en caisse pour me payer le jour même. J'ai été menacé par le gérant Il m'a dit qu'il allait déposer plainte contre moi auprès de la commission des jeux. Quand je lui ai demandé pour quel motif, je n'ai pas eu de réponse. Okay. Donc je pense que dans cet établissement, il est interdit de gagner, tout simplement. Maintenant, si c'est le cas, est-ce qu'il ne faudrait pas l'afficher sur la porte d'entrée? Au moins, les choses seraient claires pour tout le monde. Et par rapport aux autres salles du même groupe, ça dépend. Les groupes ne travaillent pas tous de la même manière. Pour certaines chaînes, si vous êtes interdit dans une salle, c'est généralisé sur tout le territoire et vous êtes interdit dans toutes les salles de Belgique. Ça m'est déjà arrivé. J'ai quitté une salle d'un groupe X à 11h du soir, je suis allé dormir. Le lendemain matin, j'étais à 10h du matin dans une autre salle du même groupe, j'étais interdit. Je n'avais jamais été avant ça dans aucune des deux salles. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, on comprend que c'est très réglementé, évidemment. Il y a la commission des jeux de hasard qui est là pour régler le machin. Je suis le premier à le dire. C'est quand même assez étrange, comme alors qu'on interdise des gens d'entrer dans des salles parce qu'ils ont un problème d'addiction. Oui, c'est censé être réglementé pour protéger le consommateur. Ça c'est bien, mais dans l'autre sens, c'est effectivement la première fois qu'on entend ça. On va vous mettre en relation, évidemment, hors antenne, avec Étienne Marek, commission des jeux des hasards, je le rappelle. Et vous, Christophe, vous allez échanger vos coordonnées, et puis vous allez voir un peu ce qui se passe. On l'a compris aussi, s'il y a possibilité de porter plainte, vous pouvez le faire, mais là, ça se passera hors antenne. Tenez-nous un peu au courant de votre histoire, Christophe, si vous êtes d'accord. Okay. Pendant les prochains mois, on est toujours là. On répond au courrier pigeon au pluriel @rtbf.be. Merci à tous les deux d'avoir fait le point sur un dossier qui est assez particulier. Je n'avais jamais entendu un truc comme ça. Il y a Cœur de Pirate et Julien Doré qui arrivent. Et puis on se plonge dans le commerce en ligne. Paraît que ça marche bien de ce côté-là. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Jusqu'au 25 juin, Shopping Cora Recours vous invite au Salon des Nouvelles Technologies. Réalité augmentée, objets connectés, écran tactile géant, hologramme, jeux, animations et démos high-tech en galerie. Vivez des moments intenses entre amis ou en famille et profitez d'offres et de remises haute définition. Le futur est déjà au Shopping Cora Recours. Vivacité présente. Envie de vivre un chouette week-end en famille ou entre amis? Ouvrez les portes du temps et voyagez de la préhistoire au Moyen-Âge, du village olympique au village italien. Découvrez le marché marchand, l'auto-show, chinez, dégustez, flânez, bougez, dansez, Flémal en fête, les 18 et 19 juin dès 11h. Info flémal.be. Vous rêvez de produits de beauté 100% naturels et bio? Vous voulez créer vos cosmétiques lors d'ateliers? Les Demoiselles Nature vous proposent un large choix d'articles bio pour toute la famille. Les Demoiselles Nature, rue Haute 35 à Visé. Le commerce autrement, localisie.com. Localisie.com. Je vais m'offrir deux ou trois petites choses. Ce bikini, la paire de bottes là, cette superbe robe noire aussi. Et puis les lunettes de soleil, ce jeans magnifique bien sûr. Et vous, les escarpins. Que feriez-vous avec 6000 euros? Eurecar by Van der Heijden, des voitures presque neuves, nettement moins chères que les neuves. À Mélin-Soumagne, Henri-Chapelle, Verviers et Eupen. Showroom online sur eurecar.be. Que j'aime, tu me l'assures. cœur vibre plus fort. Et les craintes qu'elle amplifie. Elle sait qu'une autre fut dans mon lit. Tout bas je lui murmure de calmer toutes ses inquiétudes. Et dans mes mensonges je lui rappelle qu'à mes yeux il n'y a plus qu'elle. Pour un infidèle, c'était Cœur de pirate avec Julien Doré. On n'est pas des pigeons. C'est devenu une habitude. Aujourd'hui, on achète ses billets d'avion, ses places de concert ou une partie de ses vêtements, ou ça, sur Internet. Et si on en croit la Fédération du commerce en ligne, Jean-Christophe, c'est pas prêt de s'arrêter cette histoire. Non, parce que Bicommerce vient de publier ses chiffres trimestriels et il en ressort une forte progression par rapport à l'année dernière, avec près de 2,3 milliards d'euros dépensés par les Belges dans les achats en ligne. C'est 9% en plus que le premier trimestre 2015. Donc on parle bien ici en trimestre et on est à 2,3 milliards d'euros. Jouets électroniques et médias divertissement sont les catégories qui ont le plus progressé. Et on apprend que 76% des Belges ont acheté sur Internet au premier trimestre pour un montant moyen, lui aussi en hausse, de 107 euros par achat quand même. On va détailler tout ça avec Karine Moitié qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Bicommerce, la fédération, je le rappelle, belge du commerce en ligne. Comment explique-t-on la bonne tenue de ces chiffres finalement ? Ben, je pense que principalement la Belgique achète bien en ligne, donc les Belges achètent plus fréquemment et ils achètent en moyenne davantage. Ouais, ça veut dire qu'ils ont confiance, ils ont confiance dans l'achat par Internet. Tout à fait, ils ont pleinement confiance. Vraiment, maintenant, nous sommes arrivés à maturité. Nous avons un niveau de pénétration de l'achat en ligne qui dépasse même certains de nos voisins. Donc, notre progression est plus forte que nos voisins frontaliers. Donc, on peut dire que maintenant, nous sommes vraiment en pleine, en pleine confiance. Le marché boom, tout va bien. On a rattrapé la vie notre est belle. Retard. Oui, parce que je me souviens, il y a 2-3 ans, j'avais fait un reportage avec vous d'ailleurs, et où là, on expliquait qu'on avait quand même pas mal de retard par rapport aux pays voisins, surtout Pays-Bas par exemple, ou Grande-Bretagne. Mais qu'est-ce qui fait qu'en quelques années, on a augmenté comme ça alors ? Mais c'est qu'en fait, l'offre a augmenté. Par conséquent, donc, les achats aussi. Et petit à petit, on prend confiance. Donc, tous les distributeurs vendent maintenant en ligne aussi. Donc, il y a vraiment un mouvement qui se fait vers la vente en ligne, d'où le fait que ça progresse très, très bien et le marché boom. Alors, qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Est-ce que ce sont les produits ou les services ? Parce que quand on achète évidemment un voyage sur Internet, ben, ça a un coût énorme. C'est autre chose que d'acheter 2-3 chaussettes dans un magasin en ligne. Donc, c'est plutôt les services qui rapportent ? Si vous voulez, ici, les chiffres qui sont repris dans le Bicommerce Market Monitor sont un mélange des services et des produits. Et on constate donc sur ce premier trimestre, c'est un trimestre fort au niveau des services puisqu'on réserve énormément en fait voyages all-in, de tickets d'attraction, d'événements, etc. Donc, ce sont des services. Et ça, c'est quelque part... chaque année que ce genre de service est vendu principalement en début d'année, puisqu'il y a une saisonnalité par rapport à cette catégorie de services-là. Alors, il reste encore des produits que le Belge n'achète pas vraiment en ligne. Par exemple, on est assez réticent pour tout ce qui est médicaments ou par exemple, même des voitures neuves. Je sais que ça se fait dans d'autres pays, mais chez nous, c'est toujours pas le cas. Mais c'est-à-dire que ce sont des catégories qui sont quand même bien représentées. On a énormément de players, par exemple, sur la pharmacie. À aujourd'hui, il y a des centaines de pharmacies en ligne. Donc, petit à petit, c'est un secteur qui se développe pas mal. Mais le secteur qui est, lui, vraiment, je dirais, en tête de queue, c'est celui de l'alimentation en ligne. Mais il va progresser maintenant de plus en plus, puisque c'est, je dirais, l'alimentaire est maintenant boosté avec de nouveaux concepts comme HelloFresh ou d'autres concepts innovants et qui vont dynamiser la grande distribution qui, elle, vend déjà pas mal en ligne, mais on a besoin d'encore un peu plus de dynamisme et un peu plus d'offres, une meilleure offre, et ça va générer davantage d'achats en ligne. Alors quand donc, on dit... cette catégorie-là est sous-représentée. Alors quand on parle d'achats en ligne, on a toujours l'impression d'être derrière un ordinateur, et c'est vraiment le cas en Belgique, parce qu'apparemment les achats en ligne avec tablette ou smartphone, là ça marche pas très bien. Mais tout est relatif, hein. Nous avons constaté quand même une progression par rapport à l'année dernière. Donc 10% des achats en ligne sont effectués sur tablette et 7% sur smartphone. C'est vrai que par rapport à d'autres pays qui sont vraiment en tête du peloton comme l'Angleterre, là ça représente 33% au niveau des achats sur tablette et 33% sur smartphone. Donc on a encore vraiment une marge à, enfin, je veux dire, mais encore tout évolue, on l'a compris, c'est effectivement le Belge a de plus en plus confiance et c'est une facilité aussi d'acheter les choses en ligne. Maintenant, c'est un changement de mentalité aussi. Merci Karine Moitier d'avoir développé un peu tous ces chiffres avec nous sur Vivacité. On va marquer une pause, on va mettre un peu de musique, celle de Milo, et puis on terminera l'émission du côté de Facebook et du coup de gueule. Bonjour, c'est Marwan Fellaini. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Votre toit mérite l'excellence. Pour votre toiture privée ou industrielle, profitez du savoir-faire incomparable de Sodri. Sodri, une expérience de plus de 25 ans en rénovation de tout type de toiture. Devis gratuit, délai d'intervention rapide, main-d'œuvre locale. Sodri, à Liège et sur sodri.be. 04 349 13 33. Votre déclaration en ligne, c'est beaucoup plus rapide. Parce que TaxonWeb en remplit automatiquement une grande partie. Juste un contrôle, un ajout ou une petite correction, et c'est fini. Pas encore d'accès? Surfez vite sur TaxonWeb.be. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, at dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at Sur Vivacité avec le titre Howling at the Moon. Vous savez quoi? Il y a Fabrice qui est fâché. Ouais, c'est son coup de gueule. Je te jure. Dis de vous, où est l'Emmens? J'ai ici un message pour tous les profs peau de vache. Messieurs les professeurs, ne cotez pas les jeunes trop durement, alto basse cote des cocoteurs. Dis, cette histoire de cote, ça me donne envie d'andalouse et de cote à l'os. Oui! L'andalouse préférée des cocoteurs, la voilà! De vos Emmens. À table! Des pigeons. Et comme chaque jour, direction la page Facebook pour y lire le coup de gueule. Je vous le disais il y a moins de 30 secondes, c'est Fabrice qui n'est pas content aujourd'hui. Oui, avec un gros coup de gueule, nous dit-il, contre Philips. J'ai garé ma télécommande d'un home théâtre Philips, acheté plus ou moins 200€ neuf. Lors du contact avec leur service clientèle, on me donne la référence de la télécommande et on me dit d'aller voir sur internet les prix. Oui, une télécommande Philips pour ce type d'appareil est de 60€. Ah ouais, bah, il a quand même acheté le truc 200€. Hein. J'ai essayé 6 sortes de télécommandes universelles, dont 2 Philips, qui ne marchent pas, malgré soi-disant leur technologie easy to use. Il est clair que je ne vais plus me fier au bon prix de leurs appareils. Ou alors, il faut être moins distrait et ne pas égarer les télécommandes. C'est vrai qu'on en a de plus en plus. Combien de télécommandes chez toi, Aurore? 4. Moi aussi, 4. J'en ai 6. Ah oui, 4. Ouais. Oui, non, effectivement, j'en ai oublié. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, vous avez quelques heures pour ça. C'est la page Facebook de l'émission. Oui, notre page On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. L'adresse c'est pigeon@rtbf.be et puis notre répondeur est là aussi, 070 222 660. La suite, sur Vivacité, c'est la vie du bon côté. Sylvie Honoré qui prend le relais. Bonjour Sylvie. Bonjour. On parle d'intégrité avec vous cet après-midi. Intégrité, ça rime avec vie du bon côté en effet. On va refaire une petite différence sur l'intégrité. Être intègre, ça veut dire quoi être intègre? C'est vrai que parfois on dit, oh cette personne elle est intègre, elle dit ce qu'elle pense, elle fait ce qu'elle dit, on peut compter sur elle. Elle me proposerait de traverser l'océan, oh je pourrais la suivre et me sentir en sécurité. Est-ce que l'intégrité est importante pour vous? Est-ce que vous faites attention à votre intégrité à vous et à l'intégrité des autres? Est-ce qu'il sort de ma bouche? Est-ce que vous pouvez poser parfois cette question-là? Est-ce qu'il sort de ma bouche est crédible, est fiable? Suis-je quelqu'un qui dit souvent la vérité? Suis-je quelqu'un qui tient souvent ses promesses? Est-ce que je reconnais facilement mes erreurs de jugement, car j'ai à cœur d'être juste? Suis-je engagé à entendre les conséquences de mes manquements, peut-être, pour en prendre conscience et y remédier? Enfin bref, voilà, l'intégrité pour vous, ça veut dire quoi? Et donc, on va parler de ça avec Jean-Marc Colson, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. J'ai envie de le dire maintenant, Jean-Marc, ça va? Oui, ça détend va. L'atmosphère. Oui, super. C'est super quand même de faire une émission le jour de son anniversaire. Oui. Oui, c'est assez magnifique pour moi. Oui. Jean-Marc Colson, il est coach de vie et il est formateur en entreprise. Il forme notamment des futurs coachs à l'IFA PME et on va donc parler de ça. L'intégrité qui va souvent de pair avec un autre mot qu'il est important pour vous d'aligner dans cette émission parce que c'est le mot alignement. Voilà. L'intégrité, on pourrait finalement interpréter ce thème comme l'intégrité, le pouvoir et le bonheur d'être aligné. Et vous allez comprendre, c'est super facile à comprendre parce qu'on va vous donner plein d'exemples et surtout vous demander de prendre part à la conversation d'aujourd'hui par rapport à ça. 070 23 33 23 SMS 30 63 si vous souhaitez donc témoigner avec nous aujourd'hui sur ce thème. Juste après le journal de 13h, juste après le point météo de Denis, que voici. Voir Christian marqué sur un écran aux couleurs éclatantes? Choisissez votre TV pour le foot dans un magasin Vandenborg et emportez-la directement. Vandenborg. Bonjour à tous, après une matinée qui aurait été un petit peu plus calme cet après-midi, on s'attend à un ciel très changeant, on aura quelques éclaircies mais aussi des nuages menaçants avec des averses plus soutenues qui pourraient s'accompagner de coups de tonnerre. Côté température, ça ne change pas beaucoup par rapport à hier, 14 à 18 voire localement 19 degrés. Malheureusement pour demain, jeudi et vendredi, les averses seront toujours bien présentes et toujours localement ponctuées de coups de tonnerre et parfois assez abondantes. On aura 13 à 18 degrés pour demain et de 15 à 19 voire 20 degrés pour jeudi et vendredi. Retour à une situation plus calme à partir de samedi. début d'après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Il s'appelle Larossi Abala et il était fiché pour radicalisme. Ce Français de 25 ans a exécuté hier soir un couple de policiers pas loin de Paris, dans leur domicile. Les policiers ciblent de choix pour les terroristes. On verra que ça inquiète aussi chez nous. Ils réclament un meilleur anonymat. On nous prend pour des jouets. Le coup de gueule de policiers de Tournai, appelés en renfort pour remplacer des gardiens de prison en grève. Vous entendrez un policier, il dénonce clairement une grève à la carte. Des tirages au sort de matchs de foot truqués en Europe. Et c'est pas n'importe qui l'affirme. Sepp Blatter.